une intersection régie par un panneau stop, il est impératif de s'arrêter. Mais il ne faut pas s'arrêter n'importe où. D'autant plus quand la route est enneigée et que par conséquent, la ligne de stop n'est pas visible. Pour avoir la meilleure visibilité possible sur la droite et la gauche, j'avance prudemment à hauteur de la route abordée. En effet, le panneau est trop en retrait de la route et m'arrêter ici ne me serait d'aucune utilité. Réponse B et C.